Artémis. La 13e revient. C'est encore la première, et c'est toujours la seule, ou c'est le seul moment, car es-tu, reine, ô toi, la première ou dernière? Es-tu roi, toi le seul ou le dernier amant? Aimé qui vous aima, du berceau dans la bière, celle que j'aimais seule, même encore tendrement. C'est la mort ou la morte, ô délice, ô tourment, la rose qu'elle tient, c'est la rose trémière. Sainte napolitaine, aux mains pleines de feu, rose au cœur violet, fleur de sainte Gudule, as-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux? Rose blanche, tombée, vous insultez nos dieux, tombée, fantôme blanc, de votre ciel qui brûle, la sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux.